Je parle de ton mari, hein? Oui, c'est la cause. Ah, ton père est rosicrucien, hein? Oui. Ok, voilà, avance peut-être, je savais, Valencien. C'est la cause. Et tu dis qu'il est... Toi, tu connais son papa, hein? Ah. Attends, tu connais que son père est de la rose, quoi, hein? Attends. Ok, donc si je ne sais pas, c'est pas ton problème. Avance ici, là, c'est son problème, hein? Oui. Bon, il est élevé dans la rose, quoi. Oui. Mm-hmm. Il atteint le sommet. Quel sommet? Sommet de... Quand tu arrives au sommet des loges. Si ton père est devant toi, non, tu peux lui dire, tu peux prouver ce que tu viens de lui dire. Oui. Lui-même, il sait qu'il est dans la rose, quoi. Oui. Ah. Quelqu'un ici au courant de ça? Oui. Vous savez cela? Ah, toi, tu lui l'auras raconté. Oui, ok. Mmh, avance-y. Donc, on s'est mariés. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est le jour où on l'a cuisiné, même ce jour où... Cuisiné qui? Mon mari. Qui l'a cuisiné? Mon père. Comment tu sais ça? Par révélation. Ça venait de qui? Tu as eu ce mensonge? Non. Qui t'a dit cela? Deux hommes différents. Il veut qu'on est dans la vérité. Oui. Tu peux citer le nom, c'est pas caché, non? Je ne connais pas ton nom. L'autre, un, c'est Pasteur Guy, l'autre, c'est un prophète qui venait de l'Amérique. Un prophète qui venait de l'Amérique? Oui, c'est pas ce prophète. Donc, il est sorti de l'Amérique, tu vois, il t'a dit que ma soeur est en... Ton père cuit ton mari. Non, il est venu d'Amérique. Ma soeur était partie là-bas. Quelle soeur? Ma petite soeur. Dans leur assemblée. Non. On va entrer dans les détails. Les questions qu'ils posent ne sont pas anodines. Mm-hmm. Quelle soeur? Elle vous a raconté ça, hein? Soeur. Elle s'appelle comment? Nadège. Mm-hmm. Elle est dans quelle assemblée? C'était dans l'assemblée de Maman Régine Moutem. Le couple Moutem. Vous la connaissez? Ma soeur Marie, qu'est-ce que c'est? Attends. C'est la costaude. Donc tu connaissais la costaude dont je vais parler. Oui, la famille, puisque j'ai invité à la. Bon, ça va nous aider ce soir. Tu vois pourquoi on a voulu que tu viennes t'asseoir ici. Donc tu vois, aussi. J'ai dit que j'étais dit de façon. C'est pour ça que j'ai parlé sa petite soeur. Elle m'a dit qu'elle a. Ah, d'avance, vous connaissez. Oui, vous connaissez. Elle t'a dit que c'est la pasteur. Oui, elle est pasteur. Mmh. Ah. Donc. Elle n'a pas voulu que j'en ai des détails. Ok. Donc elle est pasteur déjà. Hein? Bon. Les questions, il voulait dire, je suis en train de poser des questions au fur et à mesure, quand il dit que je j'arrête de poser des questions, il y a un pourquoi. Mmh. D'accord? Mmh. Oui. Bon, pendant le deuil. Donc, attends, je vais recommencer ce que tu as dit. D'accord. Tu dis que tu as eu le fait que ton papa. Enfin, d'abord, tu dis que ton père est rosicrucien. Mmh. Là, il n'y a pas besoin de révélation, mmh. Vous savez. Mmh. Ton papa, la mort de ton mari est venue de suite, par suite de ton papa. Mmh. Remarquez, tu as commencé depuis, parce qu'il y a un premier deuil, il y a un deuxième deuil. Mmh. Donc, la mort de ton papa est venue de suite de ton mari, mmh. Est venu de suite de la cuisson. C'est le terme qu'il a utilisé, qu'on a envie de cuire. Oui, c'est une façon de parler, mais je suis dans la cité. Mmh. Donc, et tu as dit que c'est deux personnes, c'est venu de deux personnes par révélation. Un, pasteur gay, lui, il est camerounais. Lui, il est camerounais. De quelle assemblée, ma soeur? Je ne sais pas. Hein. Donc, vous avez raconté comment tu dis cela? Le problème, c'est que moi, je suis toujours à la maison, ça va me trouver. Ah, donc, le pasteur, lui, il vient à la maison, t'es dit? Non, ce sont tous mes soeurs qui partent dans leur assemblée. Oui. Mm-hmm. Attends, maintenant, tout à l'heure, tu as dit ma soeur, maintenant, tu dis mes soeurs. Je compte pour pasteur Guy, c'est une autre soeur, et c'est à ma képe. Toujours ta soeur, même. Même voulu l'inviter aujourd'hui, je ne sais pas. Qui est la fille de celui de ton... Vous êtes même... Quand tu dis soeur, c'est vraiment le fils, la fille de ton père, celle-là. Oui, bon. Oui, ok, donc il y a une soeur qui est venue avec la. Avec, qui est allée chez Pasteur Guy. Mm-hmm. Et que Pasteur Guy a dit que ton père a un de cuit ton mari. C'est ça? Non, là, c'est mon père qui est responsable. De la mort. Mm-hmm. Attends, ceci se passe lorsque ton mari est déjà décédé. Ça dit que. Oui, tout ça c'est pendant. Le deuil. Tout ça c'est pendant. Si je comprends très bien, ça veut dire que quand le deuil s'est passé, oui. Peut-être ta soeur est allée dans une assemblée. C'est que tout ce qu'on a parlé là, est-ce que je t'ai déjà posé une question concernant quoi que ce soit concernant cela? C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, lorsque le deuil se passe, ça veut dire que pendant que le corps est encore là, l'une de tes soeurs va dans une assemblée chez le pasteur Guila. Et c'est là que le pasteur Guila dit que c'est ton père qui a tué. Le pasteur qui c'était après. Après la mort. Après l'enterrement. C'est parce que le prophète, c'est un homme de Dieu qui est venu d'Amérique, qui venait rendre ministère au Cameroun. Oui. Et c'est maman Régine Moutem qui l'a accueilli dans. Vous connaissez Régine comme là? Régine de... Mm-hmm.

Non, non, suivez attentivement. Je n'ai pas dit que je vais faire comme ça. Il dit que je vais commencer. À, je vais introduire jusqu'à un niveau de développement. Puis à un moment donné, si vous voulez, moi je n'ai pas de problème. Je suis seul avec ma femme. Alors, buvez-le donc dans le silence et puis on continue dans la deuxième partie. Kana motuya oyo sepelisi motema na nzambe pona seko ozali lembo ya bolingo ya nzambe tata pona biso ozali posa ya mitema na bato ozali lizibaliye lisilisaka posa ya mai obongisa nyonso po ete bomo ya moto ezala lisapo ya esengo ozongisaka elikya na motema oyo etungisami po ete pesamela yo kozala lisungili ya bato Pipa yozali yebanaka. Musale osali emonanaka. Bisika olekaka otika kabilembo. Po oyo simba, asimba masolo. Ozali bipai bato bakimelaka. Ozali bipai esengo ya kozala efandisama. Ya malamu nyonso epesama na yo. Aleluya. Mbeka na motuya. Esengo na nzambe. Oyo tobo jeli zambe ozali bonza oyo zambe andima bomo tona yo Yesu ekoki sama ozali mbeka yali Oh, no.